Mimosa au fond de la baie de Somme. Des familles sur des transats, le pommier, les pommes. Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait. Dans l'eau se baignaient des jeunes filles qui m'attiraient. Les promenades le long des dunes en voiture, pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure. Je mettais dans mes mains leurs doigts et j'étais le roi, comme dans les chansons d'amour d'autrefois. Tous ces petits moments magiques. Tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent, y en avait plein de réservoirs au départ. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance. Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Il faut qu'on avance. Le soir avec les petits frères, on parlait. On voulait tout le monde refaire, on chantait. Ces musiques et ces mots tendres, comme il date, ces lettres d'amour attendent dans quelle boîte. Tous ces petits moments magiques de notre existence, qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. Tout ce gaspille de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent, y en avait plein de réservoirs au départ. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance, on avance, tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense, il faut qu'on avance.